La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui d'un écrivain qui a cherché toute sa vie à réconcilier son amour de la liberté avec l'exigence d'une vie en commun, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dont Annie Cohen-Solal nous a raconté la vie lundi, cette enfance choyée et bourgeoise, cette éducation novatrice dispensée par son grand-père Charles Schweitzer, puis les années à l'école normale, la rencontre avec Beauvoir, leur couple qu'on dirait aujourd'hui ouvert et surtout son travail de romancier et de philosophe qui l'a conduit à devenir, après-guerre, l'écrivain engagé par excellence. Hier, nous avons poursuivi notre série avec Michel Conta, qui nous a parlé des grands romans de Sartre et notamment des Chemins de la liberté et de la nausée. Il nous a expliqué comment la philosophie s'immisçait dans sa littérature sans pour autant l'étouffer. Enfin, demain, un angle particulier sur Sartre, celui qui concerne les voyages. Car avec ou sans son castor, il a beaucoup voyagé à Venise, à New York et un peu partout ailleurs pour des conférences ou comme simple touriste. Mais comment justement ne pas être un touriste? Telle était la question qu'il se posait sans cesse. Jean-Luc Moreau nous dira pourquoi. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux écrits autobiographiques de Sartre, lui qui a sans doute rédigé l'une des plus belles autobiographies qui existent, Avec les mots. Nous le faisons avec Jean-François Louette, professeur de littérature à la Sorbonne et qui a dirigé l'édition des mots et autres récits autobiographiques de Sartre dans la Pléiade en 2010. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux, parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi devant des scénographes ou des intervieweurs et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve par rapport à l'autre quelque chose de caché, de secret. Pas nécessairement pour tous, mais pour celui-là à qui il parle en ce moment. Alors ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. Je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, je vois, et j'imagine assez bien, le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre, parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. Jean-Paul Sartre, interrogé ici par Michel Conta. Bonjour Jean-François Louette. Bonjour. Alors au fond, Sartre pensait qu'il ne devait jamais y avoir de secret dans les relations entre les gens. C'est peut-être un vœu pieux, est-ce qu'on peut croire, puisqu'on va parler aujourd'hui des écrits autobiographiques, qu'il peut y avoir de la transparence totale dans un écrit? Est-ce que Sartre pouvait réellement penser cela, selon vous, Jean-François Louette? Je pense que c'était un idéal, et même un idéal régulateur, posé à l'horizon. Ce qui est frappant, c'est le rapport que Sartre établit avec ce mot de transparence entre lui-même et Rousseau. Il se situe dans une très grande tradition. On se souvient du livre de Starobinsky, La transparence et l'obstacle. Comme Rousseau, Sartre rêve de transparence. Mais évidemment, il a une autre analyse de la société. Et pour lui, ce qui fait obstacle à la transparence, c'est l'état de la société capitaliste qui l'entoure, qui tente à faire de chaque homme un atome, c'est-à-dire quelqu'un de fermé sur lui-même, qui se défie des autres. Donc il y a là plutôt un vœu, mais un vœu politique. politique que la croyance dans une réalité actuelle est présente. Il suffit pas de claquer des doigts ou d'ouvrir la bouche, n'est-ce pas, pour la produire, cette transparence. Alors, il faut dire d'abord que Sartre, a priori, n'était pas un autobiographe. Ce n'était pas quelqu'un qui considérait tellement ce genre-là de l'autobiographie. Oui, alors il s'en explique dans divers textes. Une des raisons qui font qu'il considérait avec défiance l'autobiographie, c'était son éducation. Éducation protestante, un grand-père appartenant à une génération qui se défiait de la littérature personnelle. Il y a des textes de Brunetière, de Bourget, qui sont très éclairants là-dessus. La littérature personnelle, c'est la littérature de la complaisance à soi, et finalement l'esprit classique que son grand-père a essayé de lui transmettre se plaçait sous le signe du mot célèbre de Pascal, le moi est haïssable, vous voyez. Donc le jansénisme pascalien devient le protestantisme sartrien d'une certaine manière. Oui, parce que dans « Qu'est-ce que la littérature ?», texte de 1947, l'autobiographie n'a aucune place. Il parle des autres genres, mais pas de l'autobiographie. Ah oui, c'est très frappant. Il y a tout un système des genres qui est très en avance, d'ailleurs, par rapport à la réflexion des critiques littéraires de l'époque, me semble-t-il. Enfin, je veux dire, de l'après-guerre, de 47-48. Et dans ce système, oui, il y a une place pour la poésie, une place pour le théâtre, une place pour le roman, une place pour... même pour le reportage. Pour la radio, pour oui. Le cinéma. Pour la radio, pour le cinéma. On pourrait même dire d'ailleurs que Le Sursis est un roman qui, techniquement, essaie d'être à la fois un roman et un roman cinéma, et qui, par ailleurs, fait une grande place à la question du reportage. Mais enfin, ça serait une autre affaire. Et il y a des personnages de journalistes dans Le Sursis à travers lesquels Sartre mène toute une réflexion sur la radio et le journalisme. Mais l'autobiographie n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est vraiment dans 10 ans plus tard, à partir de 53 à 55, que Sartre en viendra à cette problématique de l'autobiographie. Et en 1964, c'est le coup de théâtre, puisque Sartre donne à lire ce livre, Les mots, chef-d'œuvre de l'autobiographie au XXe siècle. Personne ne s'attendait à ce que ce soit Sartre, précisément, qui publie un livre pareil. Oui, c'est un livre qui a pris à rebours les attentes du public. En fait, sous deux angles. Le premier, c'est que le philosophe, laid comme Socrate et obsédé par la politique, se transformait en petit enfant blond qui parlait de ses boucles coupées. Et puis, d'un autre côté, alors ça c'est moins connu, mais c'est aussi un livre qui a choqué dans la mesure où on n'était pas habitué à entendre quelqu'un parler de son enfance avec, malgré tout, ce mélange de tendresse. Pour moi, il y a beaucoup de tendresse, mais aussi d'âpreté et notamment de satire à l'égard du grand-père. Et il s'est trouvé un publiciste, aujourd'hui bien oublié, pour dire que Sartre avait écrit, avec les mots, une autobiographie voyou. Hein, une autobiographie voyou. Donc, ça a choqué de deux manières. Hein. Ouais. Mais ça a été reçu comment, alors, à la fois par la presse et par le grand public? Qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là? Ah non, généralement, ça a été fort bien reçu. Hein. Même les ennemis patentés de Sartre, prenons par exemple Jean Dutour dans la NRF, alors lui, il est très soulagé. Et enfin, un Sartre fréquentable, hein, ce qui est d'ailleurs probablement méconnaître toute une dimension des mots. Mais il écrit un article au titre venimeux, bien sûr, le petit Jean-Paul. Hein, enfin, une occasion de rabaisser Sartre, puisque Sartre lui-même se minimise en se peignant comme enfant. Mais il comptait poursuivre, raconter toute sa vie. Oui, il comptait poursuivre, mais je crois qu'il l'a dit ici et là, mais qu'il a surtout mesuré les obstacles. Et un des obstacles, c'était tout simplement qu'il y avait une sorte de partage des champs temporels avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir avait raconté leur vie à partir de leur rencontre, hein, c'est-à-dire 1929, et même un peu plus tôt. Donc... c'est difficile d'aller sur le terrain déjà couvert par Simone de Beauvoir. Alors pourquoi écrit-il les mots ? Pourquoi écrit-il les mots ? L'une des raisons... il y a deux raisons. Il y a une raison qu'on peut dire... deux raisons qui me frappent à ce jour. La première, c'est la mort. Hein, c'est-à-dire à partir de 50 ans, dit Sartre... les hommes se réveillent et commencent à penser à leur mort et à préparer leur mort. Et ça les occupe les 25 dernières années de leur vie. Donc, quand on en vient à penser à sa mort, on adopte un point de vue qu'il appelle, c'est un beau mot d'ailleurs, le point de vue prémortel. On est dans la pré-mort, et la pré-mort, ça consiste pas forcément à ressasser tristement et plaintivement ce qu'on a été, ce qu'on n'a pas été, ce qu'on a fait et ce qu'on a raté, mais ça consiste à essayer de comprendre le sens de sa vie. D'où le regard rétrospectif, d'où le geste autobiographique. Bon, ça c'est une chose. Et l'autre chose, ce serait une intention politique sur laquelle je crois que Sartre a beaucoup insisté sans être toujours compris. Disons en substance que dans les années 50, existe un certain nombre d'autobiographies qu'on pourrait appeler des autocritiques de droite. Pensons par exemple à Arthur Kessler, La Corde Raide. C'est-à-dire des textes dans lesquels on se critique pour avoir été un intellectuel de gauche. Eh bien, Sartre veut faire le symétrique, c'est-à-dire une autocritique de gauche. Je me critique pour avoir été un écrivain qui, par cela même qu'il sacralisait la littérature, au fond, avait épousé les valeurs spirituelles rituel ou spiritualiste de la bourgeoisie. On écoute un extrait des mots. La mort était mon vertige parce que je n'aimais pas vivre. C'est ce qui explique la terreur qu'elle m'inspirait. En l'identifiant à la gloire, j'en fis ma destination. Je voulus mourir. Parfois l'horreur glaçait mon impatience. Jamais longtemps. Ma joie sainte renaissait. J'attendais l'instant de foudre où je flamberais jusqu'à l'os. Nos intentions profondes sont des projets et des fuites inséparablement liés. L'entreprise folle d'écrire pour me faire pardonner mon existence, je vois bien qu'elle avait, en dépit des vantardises et des mensonges, quelques réalités. La preuve en est que j'écris encore 50 ans après. Mais si je remonte aux origines, j'y vois une fuite en avant, un suicide à la gribouille. Oui, plus que l'épopée, plus que le martyr, c'était la mort que je cherchais. Longtemps, j'avais redouté de finir comme j'avais commencé, n'importe où, n'importe comment, et que ce vague trépas ne fût que le reflet de ma vague naissance. Ma vocation changea tout. Les coups d'épée s'envolent, les écrits restent. Je découvris que le donateur dans les belles lettres peut se transformer en son propre don, c'est-à-dire en objet pur. Le hasard m'avait fait homme, la générosité me ferait livre. Je pourrais couler ma babillarde, ma conscience, dans des caractères de bronze, remplacer les bruits de ma vie par des inscriptions ineffaçables, ma chair par un style, les molles spirales du temps par l'éternité, apparaître au Saint-Esprit comme un précipité du langage, devenir une obsession pour l'espèce, être autre, enfin. La compagnie des auteurs sur France Culture. Que retenez-vous de cet extrait des mots, Jean-François Alouette ? Eh bien, d'abord, j'ai eu plaisir à l'écouter une fois de plus, et quel beau texte, parce que quelque chose de lucide y est saisi, le vœu de transformer le corps contingent d'un enfant en corps glorieux d'un écrivain, et cette démystification, Sartre l'accomplit avec une très grande pénétration. Combien d'écrivains qui écrivent sans au fond être vraiment au fait sur leur raison d'écrire ? Chez lui, on ne saurait dire que la lucidité manque. Ça, c'est une chose. Et cette rêverie, il la décrit pour nous, car sans toujours le savoir, souvent nous la partageons, aussi bien en tant qu'auteurs, pour ceux qu'ils sont, qu'en tant que lecteurs, hein, que la littérature nous donne quelque chose d'autre que la contingence des jours. Mais la deuxième chose qui m'amuse, c'est la deuxième chose qui, virgule, elle, m'amuse, c'est cette expression « je coulerai ma babillarde, ma conscience dans un bronze », ce qui est une expression qui dit deux choses contradictoires, c'est-à-dire d'un côté le désir d'être statue, hein, un peu comme le fameux impétras qui représente Flaubert dans La Nausée. Et puis, d'autre part, il y a une grossièreté, il faut bien le dire, qui dit le contraire. Couler un bronze, on sait bien ce que ça veut dire. Et c'est là que se marque le dédain dans lequel Sartre tient ou veut tenir la littérature tout en adorant la littérature. Et c'est cette dualité qui montre qu'il n'est plus dupe. Et ce titre, Les mots, qui revient à dire « Ma vie, c'est les mots », comment le voyez-vous ? Eh bien, il dit un peu la même chose. Il dit « L'apogée, l'essentiel, le sommet, ce sont les mots. » Et en même temps, les mots ne sont que des mots. C'est un titre qui a été trouvé, paraît-il, un peu au dernier moment, comme souvent les meilleurs titres d'ailleurs, qui peut-être fait écho aux fameux mots de Shakespeare, words, words, et qui a cette double valeur qui fait tout le charme de ce livre. C'est à la fois un sommet et puis une critique. Donc c'est un livre qui est publié en 1964, quelques décennies avant. Sartre avait écrit les carnets de la drôle de guerre, dont on va parler plus précisément un peu plus tard dans cette émission, mais qui n'ont pas été publiés, qui seront publiés après sa mort en 1983. Mais vous notez dans votre préface, Jean-François Louette, que des épisodes sont racontés à la fois dans les mots et dans les carnets de la drôle de guerre, et qui ne sont pas racontés de la même façon, bizarrement. Quelle est, selon vous, l'image que souhaite se donner Sartre dans les mots, si tant est qu'on puisse savoir si c'est dans les mots ou dans les carnets de la drôle de guerre qu'on s'approche le plus de la vérité d'un homme ? Alors, oui, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites, et qui toutes touchent en effet à des points importants dans l'économie de l'œuvre de Sartre. La première chose à dire, c'est que des contradictions sont en effet frappantes. Par exemple, Sartre raconte dans les mots comment il a joué un rôle dans une pièce de théâtre et comment il a fait le cabotin, l'imposteur, Alexé, tant et si bien qu'il s'en est tiré à sa grande honte. En revanche, dans les carnets de la drôle de guerre, c'était un triomphe. Alors, pourquoi ? Il était plus proche des faits dans les carnets de l'entre-deux-guerres. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a oublié en 1964 la réalité de ce qu'avait été cet épisode. C'est possible, mais en même temps, quelle raison aurions-nous de préférer la version de 1939 ou 1940 à celle de 1960 63 ou 64. Il est assez difficile de trancher, et c'est ça qui est intéressant. C'est que Sartre nous montre qu'il n'y a pas de passé en soi. Le passé est reconstruit par les projets du présent, par les intentions du présent. Et il est sûr que dans les mots, une des grandes intentions est d'insister sur la thématique de la comédie. L'enfant était un comédien, et alors évidemment, sur scène, il était un comédien au carré et un comédien excessif. Donc vous diriez qu'il donne une image de lui qui ressemble à quoi dans les mots ? Comment souhaite-t-il qu'on le voit ? Je crois qu'on ne peut pas répondre de manière simple, parce que le livre est très nuancé et complexe. Mais il est certain qu'il insiste beaucoup sur l'imposture. J'étais un petit imposteur, un pasquin, un grimacier. D'ailleurs, ça fait aussi partie de la veine comique chez Sartre, qui aime bien se montrer en pitre. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. J'avais pas vu ma brosse à dents. Longtemps, Jean-François Louette, il y a eu, non seulement chez Sartre, mais aussi parmi ses amis et aussi chez Simone de Beauvoir, une méfiance à l'égard de l'autobiographie. Il a dit lui-même éprouver un constant et profond embarras à l'égard du moi et de l'écriture personnelle. Vous citez même Simone de Beauvoir qui, dans La force de l'âge, témoigne de cet état d'esprit de Sartre et de toute la petite bande au fond de l'école normale supérieure, en disant « Les petits camarades éprouvaient le plus grand dégoût pour ce qu'on appelle la vie intérieure. » Alors vous avez commencé à nous expliquer un petit peu que c'était aussi l'ambiance d'une époque, que c'était peut-être le grand-père qui avait instillé cette petite graine de défiance vis-à-vis de l'autobiographie. Est-ce que vous pouvez accentuer et creuser un petit peu les raisons de cette défiance profonde de Sartre et de son groupe vis-à-vis de ce genre-là? Eh bien, alors il y a aussi une autre situation, un autre élément, pardon, dans la situation qui tient au contexte littéraire, non plus à l'éducation personnelle reçue par Sartre, mais qui tient au contexte littéraire, c'est que un écrivain peut difficilement, lorsqu'il en est à ses débuts, ne pas essayer de se démarquer de ceux qui l'ont précédé et qui surtout sont, si j'ose dire, les statues dominantes du champ. Il y en avait deux là, Barrès et Proust. Or, le culte du moi chez Barrès, c'est quelque chose que Sartre ne veut pas accepter. Les jardins, le jardin sur le Ronde, enfin toutes les gentillesses et préciosités de Barrès, cela lui semble très très très trop précieux. Et d'autre part, il est aussi réservé devant l'œuvre de Proust, qu'il lit comme beaucoup de gens de sa génération comme un chef-d'œuvre d'analyse purement psychologique et avec une forme de complaisance douillette à soi-même. Donc c'est une deuxième raison qui fait que Sartre se défie de l'écriture intime. Il faut s'intéresser au présent alors que Proust s'intéresserait au passé, au temps retrouvé. Oui, et puis aussi, non seulement au passé, non seulement dans un geste de courbure, enfin, il ne s'agit pas de critiquer l'œuvre de Proust, qui est admirable, mais à une enfance merveilleuse, comment dire, ce que Sartre cherche, c'est une autre définition de la conscience, c'est-à-dire qu'il ne soit pas tourné vers le passé et des merveilleux souvenirs, mais qui arrive à s'ouvrir vers le monde. Donc il y a aussi un enjeu philosophique, psychologique et philosophique. La psychologie, d'ailleurs, à l'époque, faisait une grande part de l'enseignement reçu en philosophie. Et cette autre psychologie et philosophie, Sartre va la trouver notamment grâce à la lecture de Husserl, mais il faut bien comprendre que la lecture de Husserl est une influence, mais aussi, comme disait Gilles, une autorisation, c'est-à-dire une autorisation à penser ce que Sartre pensait, à savoir la conscience, c'est d'abord quelque chose qui s'explose vers le monde, qui se projette vers le monde. De Husserl et peut-être aussi de Nietzsche, qui éprouvait du dédain pour ce qu'il appelait le monde du dedans. Pour Nietzsche, l'âme, c'est du ressentiment avant tout. Oui, ça, c'est aussi une autre couche de la culture de Sartre. Il faut dire qu'on a bien du mal à l'épuiser, quand on considère la liste, qui va d'ailleurs être bientôt publiée dans la revue Études Sartriennes, la liste des lectures de Sartre à l'ENS. On est absolument sidéré par ce qu'il voulait avaler. Et alors, Nietzsche faisait partie, en effet, de ces écrivains philosophes qui se défiaient de la contemplation de soi et d'une espèce de tradition de culte, culture, ascèse, un peu trop contemplative. Alors il faut parler aussi d'Amiel, qui est ce philosophe suisse qui a écrit pendant quasiment toute sa vie un journal intime et auquel Sartre fait référence. Pourquoi d'ailleurs fait-il à ce point référence à Amiel alors que ce dernier est mort depuis 3 ou 4 décennies, au moment où Sartre commence à s'intéresser à ces questions? Oui, alors une des raisons, c'est l'actualité éditoriale, parce qu'il y a tout un mouvement de redécouverte d'Amiel dans les milieux de la NRF en 1920, dans les années 1920, pas en 1920, dans les années 1920. J'avoue que je me souviens plus exactement des détails. Je n'ai pas lu d'ailleurs la totalité de l'œuvre d'Amiel. C'est énorme. Il y a 12 000, 15 000 pages. J'ai lu en revanche certaines pages, c'est fort intéressant, mais... Comme dit Sartre un peu méchamment, on a l'impression d'un enfant qui s'embrasse l'intérieur du coude, là où la peau est la plus tendre. Oui. Et vous parlez de la NRF, c'est important aussi la NRF dans le dédain qu'on a pour l'autobiographie. La NRF instille du dédain dans l'opinion publique au sujet de l'autobiographie. Oui, alors peut-être que dédain est un peu fort, il y a une certaine réserve, disons, une certaine réserve des éditions de la NRF à l'égard de l'autobiographie, mais pas plus qu'une réserve, parce qu'il faut quand même voir qu'une des figures essentielles de la NRF, c'est Gide, et que Gide, lui, va écrire son autobiographie avec Si le grain ne meurt, qui paraît en 1924. Oui, en même temps, Martin Dugard va être scandalisé, justement, par ce livre. Et oui, bien sûr, Martin Dugard qui lui cherche plutôt une forme d'impersonnalité. On se souvient de Jean Barrois qui est un roman par document. Oui, donc il y a une tension, un certain nombre de conflits autour de cette idée qu'on doit écrire à partir d'autre chose que soi-même. Hein, ou que même si on écrit à partir de soi, il faut le dissimuler. Toujours est-il qu'il y a cette méfiance vis-à-vis de l'autobiographie, et en même temps, vous parlez, à propos de Sartre, d'une présence totale, partout, de l'autobiographie qui cacherait, qui serait cachée par cette prétendue absence d'autobiographie. C'est-à-dire que ce qu'il faut tenir ensemble, ce sont les deux bouts de la chaîne. Je pense par exemple au Sursis. Le Sursis, qui n'est pas un texte autobiographique, c'est un roman, et c'est un roman qui en même temps transpose des événements autobiographiques, c'est certain. Comment faire autrement? Mais ce qui est amusant, c'est que Sartre joue aussi à se représenter, comment dire, à se déguiser. Le chant romanesque, de ce point de vue-là, fonctionne largement comme le chant autobiographique. Sartre aime se peindre en petit comédien imposteur et à travers des figures parfois improbables. Je me souviens que dans Le Sursis, par exemple, il se peint à travers un personnage... qui s'appelle Suzanne Tailleur. On se dit, mais franchement, c'est une ouvrière, quel rapport avec Sartre? Eh bien, elle signe une pétition, une des activités que Sartre raille, dont il sait déjà qu'elle est un des gestes codés de l'engagement. Elle signe une pétition pacifiste, cette Suzanne Tailleur, sous l'influence de la bourgeoisie pacifiste de l'époque. Mais elle s'appelle Tailleur. Or, Tailleur, c'est Sartor, et Sartor, c'est Sartre. Hein. Donc, bien comprendre le lien entre le personnage et son auteur. L'important, c'est le geste de transposition, c'est-à-dire ne pas être collé à soi-même. Et ce décollement de soi par rapport à soi, il peut avoir lieu soit dans le roman, soit dans l'autobiographie. Il n'y a pas une sorte d'autoflagellation quand même dans la manière dont il se représente à travers des personnages dans ses romans? Il se représente de manière évidente, enfin on reconnaît à la fois Sartre et en même temps tous les gens qui sont autour de lui. Et en même temps, comme vous le dites, ce n'est pas toujours sous un jour qui lui est très favorable. Oui, il y a une dimension, mais que je trouve très attachante, qui est une dimension d'auto-parodie chez Sartre. Il aime à se moquer de lui-même dans l'écriture. Alors, c'est plus ou moins âpre, parfois c'est très drôle, parfois, comme il le dit dans les mots, « je battais mon âme hein, », « battre son âme ». Oui, battre son âme, ça peut tourner un peu allègre, et il y a aussi de l'amertume ici et là dans les pages des mots, notamment à la fin où Sartre se dit désabusé, désenchanté. Mais même dans Les Chemins de la Liberté, même dans La Nausée, où on retrouve Sartre quand même. Oui, on retrouve Sartre, mais comme il l'a dit dans une belle page aussi des Carnets de la Drôle de Guerre, attention, à travers Roquentin, on me retrouve, mais Roquentin, c'est moi, moins l'écriture. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. On essaiera de revenir, si on a le temps, en seconde partie sur cette idée. Moi, moins l'écriture, Jean-François Alouette. Mais pour l'heure, il s'agit d'aller voir du côté des revues ce qu'il s'y passe. Et en l'occurrence, du côté du magazine littéraire. C'est avec vous, Alexis Broca. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez aujourd'hui de la littérature de genre. Oui, en effet, parce que, bah, vous savez, le magazine littéraire a cette réputation, très souvent auprès de ceux qui ne le lisent pas, de négliger la littérature de genre. Par littérature de genre, j'entends roman policier, roman fantastique ou littérature érotique. Or, bah, c'est faux, on a une rubrique roman policier qui paraît tous les mois, et pour ma part, je m'occupe beaucoup de critiques, et je suis un grand amateur de littérature fantastique. J'ai commencé à lire avec Tolkien et Lovecraft, et je tiens Stephen King pour un auteur très important, quoique irrégulier. C'est dire à quel point mon cas est grave. Voilà. Et c'est doublement faux, cette histoire du magazine littéraire qui ne s'intéresserait pas à la littérature de genre, parce que dans le magazine de mai, on publie à la fois un grand article sur la littérature fantastique et un ensemble de plusieurs doubles pages qui se consacrent au polar. Il y a même un bandeau polar sur la couverture. C'est pour dire à quel point vous le mettez en avant. Voilà, que nous parlons de Michael Connelly, par exemple. Et bah là, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du fantastique. C'est assez intéressant de comparer en effet la place occupée par la littérature fantastique dans les littératures françaises et anglophones. On voit que le fantastique se trouve à l'origine de la littérature américaine avec Edgar Poe. On voit qu'il marque très fortement la littérature anglophone avec Stoker, Shelley ou Mathurin. En France, on a plutôt l'impression qu'à la notable exception du Horla ou de quelques nouvelles de Nerval par exemple, le fantastique se situe plutôt dans les marges. Et de là peut-être le fait qu'il persiste encore dans la littérature anglophone ou étrangère alors qu'il est plutôt déprisé chez nous. Alors quels seraient les livres qui montreraient la persistance de ce genre côté anglo-saxon, Alexis ? Oh bah écoutez, il y a déjà le dernier Stephen King, Fin de ronde. C'est assez intéressant parce que c'est le dernier tome d'une trilogie policière qui a été commencée par un livre qui s'appelait Monsieur Mercedes, qui partait de l'histoire d'un assassin qui écrasait une file de demandeurs d'emploi. Et Fin de ronde, donc c'est le troisième tome. Il est intéressant de voir comment, à l'intérieur même du roman, le fantastique en vient à cannibaliser complètement le policier. C'est-à-dire que Stephen King, lui, il voulait vraiment, d'ailleurs en s'inspirant de Michael Connelly, écrire une pure trilogie policière. Or, ben, dans le troisième tome de cette trilogie, le méchant qu'on a retrouvé, que le premier tome avait laissé paralysé, commence à réussir à manipuler des objets par télékinésie. Et il commence à réussir à s'introduire dans l'âme des personnages qu'il en veut. Tout ça par le biais d'un jeu vidéo, d'ailleurs. Il faut vraiment être Stephen King pour réussir à nous faire avaler ça. Et pourtant, ça marche très bien. Voilà. Stephen King, c'est une référence. C'est une référence, en effet. Et c'est une référence, et c'est comme ça que s'en sert Joyce Carol Oates dans son dernier roman Le Valet de Pique. Alors là, elle imagine un écrivain de romans policiers consensuels, enfin de romans de genre consensuels, qu'on appelle d'ailleurs le Stephen King du gentleman. Et la nuit, ce Stephen King du gentleman écrit des romans pas du tout consensuels et extrêmement amoureux sous le pseudonyme du Valet de Pique. Et là aussi, c'est une allusion à Stephen King qui a écrit lui-même de nombreux romans sous pseudonyme, le pseudonyme de Richard Bachman. Et un jour, eh bien, ce brave écrivain est accusé de plagiat par une excentrique. C'est une accusation farfelue, mais cette accusation va servir de révélateur pour montrer qu'en fait, le caractère d'Andrew et la personnalité d'Andrew est bien plus proche finalement de son double littéraire que de sa signature originelle. Voilà. Et puis il y a un troisième livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Les Furies de Boras. Alors son auteur n'est pas américain, c'est un Suédois, il s'appelle Anders Fager. Mais il écrit dans le droit fil du mythe de Cthulhu, inventé par le maître de la littérature d'horreur, oui. Howard Philip Lovecraft. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mythe... Ils peuvent réécouter en podcast la semaine qu'on a fait sur Lovecraft, s'ils ne connaissent pas. Ah écoutez, je ne savais pas, je le réécouterai parce que ça franchement ça me passionne. En résumé, le mythe de Lovecraftien, c'est le monde n'est pas ce que nous pensons. D'autres entités l'ont dominé en des temps préhistoriques. Ces entités sont gigantesques, incompréhensibles. Leur seule vue suffit à volatiliser la raison. Elles ont été oubliées, mais dans certaines sectes dégénérées ou dans certaines populations très reculées, on les révère comme des dieux et on fomente leur retour. Alors Fager s'appuie exactement sur le mythe lovecraftien. Comme Lovecraft, il écrit des nouvelles, mais il renverse certains procédés. Par exemple, la perspective. Chez Lovecraft, les nouvelles partent toujours d'un narrateur qui va raconter à quel point il a vu le réel se fissurer autour de lui jusqu'à la confrontation avec une entité qui lui a fait perdre la raison. Et bien dans La Reine en jaune, Fager inverse le procédé, inverse la perspective, c'est-à-dire qu'il va raconter les pérégrinations de deux monstres qui vont déguisés en humains à travers l'Europe. Eux-mêmes sont terrifiés, ils sont aussi terrifiés de se faire repérer que de faire du mal aux humains et doivent préparer le voyage de leur grand-mère. Je ne vais pas vous dire à quoi ressemble l'entité grand-maternelle en question. Non, ce serait trop terrible. C'est épouvantable et c'est très réussi. Et voilà, et je trouve très émouvant qu'un mythe inventé par un auteur malheureux et maudit au carré comme Lovecraft continue à inspirer des auteurs aussi doués que cet Anders Fager, ou continue à inspirer quelqu'un comme Stephen King qui a eu le déclic à 13 ans en lisant Lovecraft, ou encore Oates qui s'y réfère. Eh bien, merci Alexis, et puis pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fantastique, mais aussi sur le roman policier, il faut se procurer le magazine littéraire de mai. Mathieu. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez dans cette seconde partie. Nous allons voir quels sont les dispositifs de l'extime. Nous allons voir d'ailleurs ce que c'est que l'extime. Nous le faisons avec Jean-François Louette. Et pour commencer, un extrait des carnets de la drôle de guerre de Jean-Paul Sartre. En somme, j'aurais voulu être sûr de devenir un grand homme plus tard pour pouvoir vivre ma jeunesse comme une jeunesse de grand homme. D'ailleurs, faute d'en être sûr, je faisais comme si j'eusse dû le devenir, et j'étais très conscient d'être le jeune Sartre, comme on dit le jeune Berlioz ou le jeune Goethe. Et de temps en temps, j'allais faire un petit tour dans l'avenir, pour le seul plaisir de me retourner de là-haut, dans mon jeune présent, et de hocher la tête comme je croyais que je ferais alors, en me disant, je ne pensais pas que cette souffrance me servirait à ce point, etc. Je me tournais, vieux, vers ma jeunesse, et je la considérais avec un attendrissement plein d'estime. Tout m'était encore possible puisque je n'étais rien. Moyennant cette robuste confiance en mon étoile, je pouvais affirmer avec tranquillité que la vie est une partie perdue d'avance, et méditer dans l'enthousiasme ce mot d'Amiel parlant de Moïse. Tout homme a comme lui sa terre promise, son jour de gloire et sa fin en exil. La fin en exil, je l'acceptais volontiers, elle était loin. Et puis cette nuance pessimiste me permettait d'accepter le jour de gloire sans me déjuger. Pardieu, la vie était ratée puisqu'elle se terminait toujours par un échec. Seulement, il y avait le jour de gloire. Méprisable, le jour de gloire, bien entendu, puisqu'il se terminait en défaite. Mais enfin, il était là, comme un soleil invisible. Il me réchauffait le cœur. C'est tout de même d'une grande franchise. Jean-François Alouette est là aussi. On peut considérer qu'il se flagelle, Jean-Paul Sartre, quand il dit ça. Oui, enfin, il se flagelle. Je suis frappé par l'humour. Se flageller, il y a quelque chose d'un peu dur et cruel, bien sûr. Il y a de l'ironie, il y a de l'ironie. Voilà, de l'ironie ou de l'humour, une façon de se surplomber soi-même en se moquant et en jouant en virtuose de schéma de pensée assez traditionnel. Par exemple, là, on retrouve le motif carnavalesque du Puer Senex, hein, le jeune homme vieillard ou le vieillard jeune homme, qui est très habituel dans les satires, dans les farces. Sartre applique cela à sa façon de penser son existence de grand homme futur et déjà vivant cette gloire au présent sans l'avoir le moins du monde encore acquise. Non, ça me fait plutôt sourire. J'aime cette lucidité amusée à l'égard de soi-même. Donc ce journal, ce carnet de la drôle de guerre, de quoi s'agit-il ? Est-ce un journal intime ? Est-ce un journal extime ? Oui, alors j'ai proposé cette expression d'extime, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. On peut bien sûr aller à reculons, dire que Michel Tournier avait publié un journal extime, que avant lui Lacan faisait grand usage de ce mot extime, et qu'avant eux, et c'est plus intéressant pour Sartre, Albert Thibaudet dans la Nouvelle Revue Française avait employé ce mot extime aussi. Donc journal extime parce que Sartre est très attentif dans ses carnets, et ce n'est pas pour rien aussi qu'il les appelle carnets et pas journaux. Hein. Il est très attentif à ne pas tomber dans les pièges de l'intime dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la complaisance à soi, le narcissisme, l'enlisement dans le passé. Donc, toute une série de dispositifs, de procédés permettent à Sartre de s'arracher à lui-même, au fond, tout en parlant de lui-même, ce qui, évidemment, en un sens, lui permet de gagner sur deux tableaux. On va voir quels sont ces procédés, mais avant cela, peut-être raconter un petit peu les circonstances de la rédaction de ces carnets. C'est oui. La drôle de guerre, comme son nom l'indique. Voilà, c'est la drôle de guerre. Sartre a été mobilisé. Sa vue déficiente, avec son pauvre œil louche et presque aveugle d'ailleurs, ne lui permet pas vraiment de jouer un rôle actif. On l'imagine guère dans les parachutistes. Je ne sais pas s'il y avait des parachutistes en 39 d'ailleurs, mais il est météorologue sur le front, en deuxième ligne, pas très occupé puisque c'est la drôle de guerre et désireux de comprendre ce qui se passe autour de lui et en même temps de résister, il faut bien le dire, à une forme d'angoisse puisqu'il est coupé de tout son milieu, de toutes ses femmes, et il y en a un certain nombre. Et l'écriture, les carnets, donc, lui servent de bouclier, d'exutoire. Il fait l'admiration des soldats qui l'entourent, qu'il appelle plaisamment d'ailleurs dans les carnets les acolytes, tellement il écrit chaque jour, au point d'en avoir mal aux yeux. Parfois, c'est simplement la douleur de ses yeux qui l'empêche de continuer à écrire. Il eût voulu, au fond, que sa vie s'écrivit tout entière, 24 heures sur 24, mais bon, il faut un peu dormir. Oui, mais écrivait-il pour être lu? Parce qu'il n'a pas publié ses carnets, alors, au moment où il les écrit. Alors, oui, au moment où il les écrit, et c'est peut-être l'un des dispositifs extimes, il a malgré tout en tête l'idée d'un public. Et il me semble qu'il y a trois types de publics, pour le dire très vite. Il y a celle qui lira tout, c'est Simone de Beauvoir, comme elle a toujours tout lu de ce que Sartre a écrit. Ensuite, il y a les amis, comme disons Jacques Laurent Bost, et c'est d'ailleurs malheureusement Jacques Laurent Bost qui, au moment où il est blessé, en 1940, perd quelques-uns des carnets de Sartre, donc le cercle des amis. Et puis, un troisième cercle plus large, qui est en fait le grand public, et Sartre a déjà en tête qu'un jour, ces carnets seront publiés. Donc c'est pas un texte écrit entre soi et soi. En tout cas, c'est écrit à un moment, la drôle de guerre, où tous ceux qui rédigeaient des journaux se sont arrêtés de le faire, que ce soit Julien Green comme Simone de Beauvoir. Donc il est à contre-temps. Oui, enfin, il y a quand même un journal de guerre de Simone de Beauvoir. Hein. Julien Green, j'avoue que je ne connais pas très bien la situation. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous avez le droit. Quand même qu'au moment où la guerre n'a pas encore éclaté, les gens s'ennuient aussi un peu et écrivent. Pensons à André Chanson qui écrit les carnets d'un officier. Peut-être que la désoccupation favorise malgré tout ce genre de texte. Alors, vous vouliez nous lire, je crois, un extrait de ce journal pour montrer à quel point il y a aussi beaucoup d'humour et un humour qui est parfois un peu troupier, je crois. Oui. C'est-à-dire qu'en relisant un peu, j'ai été frappé par cette page que nous sommes donc dans le carnet 1. Et Sartre s'amuse à présenter la conduite des officiers avec les hommes de troupe. Comment à la fois être proche d'eux et malgré tout marquer les différences essentielles, les distances ontologiques. L'officier ou le sous-officier, je lis Sartre, qui rit avec des hommes tempère toujours légèrement la mimique du rire par celle du dégoût. Les lèvres s'écartent, mais au lieu de se tendre franchement sur toute leur surface, elles tombent un peu en leur milieu. De la sorte, le rire est placé bien en dehors. L'officier le prend à peine à son compte. Il ne se dupe point sur sa valeur, car la mimique de dégoût ne s'adresse pas aux hommes. Elle a pour but de dévaloriser le rire, etc., etc. Il y a toute une série d'analyses, de descriptions des mimiques de distance. C'est précisément ce que Sartre ne veut pas faire. Pour lui, les carnets de la drôle de guerre, c'est aussi un lieu textuel où il enregistre ses distances à ceux qui l'entourent et son effort pour réduire ses distances. Ce qui ne va pas non plus de soi, ce qui n'est pas très simple. Mais cette position de supériorité de l'officier par rapport aux hommes de troupe, c'est précisément ce que Sartre déteste. Sur France Culture et vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs. Nous parlons de Jean-Paul Sartre avec Jean-François Louette. Alors comment faire, tel est le dilemme de Sartre, pour parler de soi et en même temps que ce ne soit pas narcissique? Eh bien, nous dites-vous, Jean-François Louette, il faut pour cela être dans l'extime plus que dans l'intime, et il y a pour cela plusieurs dispositifs. L'un de ces dispositifs pourrait être de dire... Au fond, moi, Sartre, je suis un témoin, et c'est en tant que témoin que j'écris. Oui, dans cette page que je viens de lire, on voit cette posture du témoin. Sartre se fait le tiers. Hein. Il y a d'un côté l'officier, de l'autre les hommes de troupe. L'officier cherchant à trouver la position juste, et Sartre qui observe le tout, qui regarde et qui écrit. Alors, évidemment, il constitue le monde qui l'entoure comme objet premier d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce monde qui l'entoure et non pas lui-même. Même si dans un deuxième temps, on peut se demander pourquoi tel ou tel spectacle est-il sélectionné parmi tous les spectacles possibles. Là, mon hypothèse, donc, c'était qu'il s'agit de réfléchir sur la distance ou la non-distance par rapport à ce qu'on appelle les hommes, hein, soldats ou bien les humains de manière générale. Mais on peut dire que les carnets essaient aussi souvent que possible d'être un texte extraverti, tout simplement, tourné vers l'extérieur. Et c'est peut-être pour ça que Sartre les écrit pendant un événement historique majeur, la drôle de guerre, parce que il peut y être comme un reporter. Il peut parler d'un événement que l'Europe, le monde, a en commun. D'un événement que le monde considère, oui, sur lequel le monde a les yeux fixés, un événement dont la portée historique est d'emblée saisissable. C'est de cette époque-là, en effet, que date, Sartre l'a souvent dit, sa conversion à l'histoire. Et ce qui est passionnant dans les carnets de la drôle de guerre, c'est que on voit en direct cette conversion se produire, puisque Sartre l'a souvent dit, la première partie de sa vie a été plutôt individualiste, voire anarchiste. Là, Sartre se retrouve dans une collectivité qu'il subit, il est pris dans le tourbillon de l'histoire et il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut regarder et penser. Mais il aurait pu continuer après, quand il a été enfermé, au Stalag par exemple. Eh bien, en un sens, il a continué, mais d'une autre façon, en faisant du théâtre. Puisque prisonnier au Stalag à Trèves, c'est là qu'il fait ses premières armes de dramaturge avec cette pièce qui s'intitule Baryona, et qu'il joue pour, enfin, qu'il écrit pour ses camarades prisonniers, hein, pour établir un lien avec eux, pour les distraire, pour en même temps leur refléter la situation de la France à travers une allégorie. Est-ce que vous pourriez parler de reportage dans son cas? Alors, c'est un mot intéressant et c'est un mot qui, évidemment, a séduit Sartre, d'une part en raison de l'exemple de Malraux, L'Espoir est un roman qui l'a beaucoup intéressé, même s'il lui trouve des défauts, et d'autre part, le reportage est une forme d'écriture qui séduit Sartre parce que elle répond à un fantasme qui est celui d'une écriture collante au présent, hein, une écriture de l'immédiateté. Maintenant, évidemment, il y a un certain nombre de différences, ne serait-ce que, c'est peut-être un peu triste à dire, mais un reporter dépend de son public, il écrit pour son public, il parle pour son public, pour le directeur de son journal, de sa radio peut-être, que sais-je. Sartre a probablement malgré tout un peu plus de liberté. Alors, autre dispositif extime, écrire sur soi, mais obliquement. Que souhaitez-vous dire par obliquement ici ? Eh bien, tout à l'heure, vous prononciez le mot d'ironie. Peut-être que dans les carnets d'un drôle de guerre, c'est surtout l'humour qui est le ton juste. Il y a ce désir de ménager la part du secret, parce qu'un certain nombre de choses ne peuvent pas encore être dites, ne serait-ce que parce que Sartre a une famille encore vivante, des amis encore vivants, donc il fait sa part au secret. Ne pas écrire pour soi. Alors, ne pas écrire pour soi, ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur le geste de l'adresse, hein, le fait que Sartre écrit pour Beauvoir, ça il le sait d'emblée, pour Bost, pour le premier cercle d'amis, pour un deuxième cercle d'amis. Évidemment, on a beau jeu d'opposer cette attitude que j'avais décrite en reprenant un mot de Serge Dubrovski qui s'amusait à dire que Sartre était altérophile mais sans H, hein, donc il aimait l'autre. Eh bien, on a beau jeu d'opposer cette attitude à celle de Gide qui, lui, se plaît à se peindre écrivant face à un miroir, à son secrétaire. Bon, évidemment, il faudrait compliquer les choses. Malgré tout, on a tous du plaisir à lire Gide. Ça veut bien dire qu'il a réussi à vaincre la question de l'enfermement ou le risque de l'enfermement dans le narcissisme. Et puis, un dernier dispositif, peut-être le plus important de tous, c'est celui de l'injection de la philosophie dans les carnets, mais pas que dans les carnets, dans les récits autobiographiques, parce que on n'en a pas beaucoup parlé évidemment cette semaine, puisque nous sommes intéressés à Sartre écrivain, mais il n'en demeure pas moins toujours un philosophe, et injecter de la philosophie, c'est une manière de parler de soi en généralisant et en tirant finalement des concepts qui le dépassent, qui dépassent l'auteur qui parle de lui-même. C'est ça, Jean-François Louette ? Oui, il me semble que dans les carnets d'un drôle de guerre, il y a deux éléments très intéressants sous cet angle. Le premier, c'est la genèse d'un système philosophique. Après tout, on n'a pas beaucoup de textes qui nous montrent la genèse d'une somme philosophique comparable à celle de L'être et le néant. Hein. Dans les carnets d'un drôle de guerre, on voit à l'état naissant l'être et le néant. Hein. Et d'autre part, il y a dans les carnets d'un drôle de guerre une réflexion éthique, c'est-à-dire que c'est déjà un traité de morale. Un traité de morale articulé autour d'une notion fort problématique et dont Beauvoir d'ailleurs se moque un peu, celle d'authenticité. Donc ça, c'est la question dans les carnets de la drôle de guerre. Ce qui est aussi très intéressant et plus amusant peut-être encore que la réflexion éthique, Sartre l'amène souvent de façon amusante. Hein. Il l'amène de façon amusante parce que il l'amène à même ses relations avec ses acolytes. Est-ce que je me conduis bien avec eux? Est-ce que je suis méprisant? Prend comme exemple d'une analyse qu'il fait ensuite, à partir de l'exemple de sa vie. Exactement. J'ai eu telle discussion avec mes acolytes, Peter. Est-ce que je l'ai traité convenablement? Est-ce que j'ai pas un peu abusé de mon éducation philosophique, d'une forme de supériorité factice? Donc, le geste d'autocritique a une portée éthique évidente et cette éthique naît à même les relations immédiates qu'il a avec ceux qui l'entourent. Parfois, il philosophe aussi sur des choses qui peuvent paraître plus triviales, comme par exemple son régime, parce qu'il veut perdre du poids, Sartre, pendant la drôle oui, de guerre. D'une certaine manière, le régime, ça pose des grandes questions philosophiques. La question de la volonté, la question de la constance, donc au fond, une problématique très stoïcienne. Hein. Souvenons-nous que le premier titre du carnet 1, titre que Sartre caresse, si l'on veut, c'est le titre « Tribulation d'un stoïque hein. ». Mais je voulais dire autre chose aussi. Il ne faut pas oublier que dans les mots aussi, il y a une certaine implication, un certain enjeu philosophique, une certaine implication de la philosophie, et qui est à l'origine de jeux très amusants de langage. Mmh. Hein, lorsque, par exemple, Sartre emploie le mot « réifier », je crois que c'est à propos des démêlés de son grand-père avec son éditeur, Karl réifier. Alors, le lecteur des années 60, mais le lecteur d'aujourd'hui aussi, c'est quand même... bon. Que c'est un mot du lexique marxiste. Hein. Et il est assez drôle de voir ce mot-là placé à demi dans la bouche d'un enfant ou bien entrer en conflit avec le langage de l'enfant. Donc, le langage du philosophe, le langage de l'enfant, le langage de la bourgeoisie, ces trois strates de langage se mêlent dans les mots avec beaucoup de drôlerie. Est-ce que vous diriez, Jean-François Louette, que les carnets préparent les mots d'une certaine façon ? Ah oui, on peut dire ça. Hein. C'est le même geste qui consiste à essayer de régler la distance vis-à-vis de soi-même, à produire déjà, hein, c'est une formule des mots, un miroir critique. Mais en même temps, ça n'est pas le même exercice. On a d'un côté une autobiographie, de l'autre côté un autoportrait. En un mot, quelle différence ? Ah bah, l'autoportrait suit un ordre qui en un sens est donné soit par le temps, hein, soit par les facettes d'un visage. L'autobiographie, me semble-t-il, a inventé son ordre. Merci beaucoup Jean-François Louette pour votre analyse des écrits autobiographiques de Jean-Paul Sartre. Je rappelle que vous avez dirigé l'édition de ces textes dans un volume de la bibliothèque de la Pléiade, que celui-ci est paru en 2010 et qu'il est évidemment disponible. Demain, pour terminer notre semaine, c'est Jean-Luc Moreau qui sera avec nous. Nous aborderons avec lui la figure d'un Sartre en mouvement, d'un Sartre en voyage de Madrid à Venise et New York. Mais avant de partir sur les traces de l'auteur des Chemins de la Liberté, eh bien on retrouve, comme chaque jour, Jacques Bonnafé qui continue, lui, de lire de la poésie de Franck Venaille. Mesdames et messieurs, Franck Venaille. Jules Laforgue, Franck Venaille, Jules Laforgue, complainte de l'oubli des morts. Mesdames et messieurs, vous dont la mère est morte, c'est le bon fossoyeux qui gratte à votre porte. Les morts, c'est sous terre, ça n'en sort guère. Vous fumez dans vos bocs, vous soldez quelque idylle, là-bas chante le coq, pauvre mort hors des villes. Grand-papa se penchait, là, le doigt sur la tempe, sœur faisait du crochet, mère montait la lampe. Les morts, c'est discret, ça dort trop au frais. Vous avez bien dîné, comment va cette affaire? Ah, les petits morts-nés ne se dorlotent guère. Notez d'un trait égal au livre de la caisse, entre deux frais de bal, entretien, tombe et messe. C'est gai, cette vie, hein, mamie, au gai. Mesdames et messieurs, vous dont la sœur est morte, ouvrez au fossoyeux qui claque à votre porte. Si vous n'avez pitié, il viendra sans rancune vous tirer par les pieds une nuit de grand lune. Importe un vent qui rage, les défunts, ça voyage. Jules Laforgue, né à Montevideo, est mort à 27 ans, expédié par la maladie, la phtisie, à Paris, en 1887. Il est le constat d'un bonheur d'écrire juste qui ne s'apprend pas. Avec Laforgue, dit Franck Venaille, nous pénétrons dans un univers où le langage est réquisitionné à des fins purement pacifiques, celles du poème, et l'on connaît bien la manière joueuse, comme on le dit d'un enfant qui prend plaisir à s'amuser, avec laquelle il aborde l'automne qui, sans grand deuil, les voluptés à vif, ce temps de l'éternulité, que l'on passera à souffrir cette manière qui n'appartient qu'à lui de boulevarder. Et du côté de Franck Venaille, la mort, une fois mise en terre, il faudra tout recommencer avec une autre. D'ailleurs, un cadavre, je n'écris pas nouveau, se tient déjà derrière la porte. Prêt, c'est inscrit. Ainsi renaîtrons-nous. Je prends un exemple. Âgé, très âgé, fatigué par ces morts successives, ne me demandez pas d'où je sais tout cela. Ne me demandez rien. C'est un extrait de « C'est-à-dire » paru au Mercure de France, Franck Venaille. Égaré dans la nuit dans ce qui est l'obscur complet, j'avance lentement, me tenant par la main. Extrait de « C'est-à-dire » de Franck Venaille. Les vagues de la lagune. J'avance vers davantage de lumière. Les barques désormais sont vides. Elles ont accosté pleines de rires et chansons qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas pour nous, qui avons notre propre répertoire à crêpes noires ou satin rouge. Mais c'est la vie ordinaire qui exige, comment dire, autre chose de moins, de plus. J'avance. Ce que j'entends, c'est le fracas des rames.